ok, ok. Sors pas de barque à l'improviste avec un flot d'opé. J'ai toujours été contre les positifs quand il s'agissait de rapper contre ceux de l'Elysée. OP, OP. Pour donner de la force à tous nos frères incarcérés, ou pour mettre le feu à tous nos concerts, pour que les MC viennent se faire incinérer. Croquer, croquer. Par le rap, le foot et les blagues sur les condés, aussi sur les cylindres, les séries télévisées, les chichas bien aromatisées. Choqué, choqué. D'entendre les propos de certains enculés. Bourreau, bourreau, bourreau, Fankerle. Bourreau, bourreau, bourreau, Fankerle. Papé, papé. Ça c'est pour Alonso et tous les mecs de nos quartiers. Toujours sapé, toujours stylé, de la tête aux pieds par les plus grands couturiers. Santé, santé. À ceux qui nous suivaient depuis l'époque de Taquet, c'est toujours Sopran, Baba, le Marseillais, toujours prêt à se faire péter. Bourreau, bourreau, bourreau, bourreau. 100% Marseillais, un flot de bousillés, ici pour tout brûler, appelez-moi vite les pompiers. Soprano, yeah, yeah, cicatra, yeah, yeah, toujours prêt à briller, car chez nous on est tous dopés, dopés, dopés, de la tête aux pieds, dopés, dopés, dopés, Marseille, dopés, dopés, dopés, fait mon métier, balader mes couplets sans lui mettre de muselière ni de l'espre qui t'arrache le mollet. Larqué, larqué. Oui, les amarres avant que mon équipe vienne débarquer. Tout le monde est bras en l'air avant que mes potes s'énervent. On accepte les CP et les billets. Stoppé, stoppé. Ça a jamais tant que je me permets de rapper pour ma ville. Ça serait débile d'arrêter le rap alors que les bons rappeurs ne viennent que les années bisextiles. Charclé, charclé. Oui, tous ces fachos qui rêvent de nous voir sous le billard. Dis-leur bien que les emmerdes et qu'on brassera la caille avec les dorsaux d'Alain Bernard. Sur nos cités, ils nous parlent de sécurité. Tout ça pour que les voisins de Camini se mettent à voter. Marseille, Marseille. C'est la cosmopolitanie, Maroc, Tunisie, Algérie, comment Sénégal, le Mali, l'Égypte, le Turc, Italie, Espagne, Arménie, ou Abu Dhabi. 100% Marseillais, un flot de bousillés. Ici pour tout brûler, appelez-moi vite les pompiers. Soprano, yeah, yeah, cicatra, yeah, yeah. Toujours prêt à briller, car chez nous on est tous dopés. Marseille, tout stoppé, tout stoppé, agitez les drapeaux dans